Dernièrement, j'ai appris une chose. Ces raclures, là, ces pourritures, sont bien pires que nous. Les politiciens, les tocards de juges, les gens de la haute, ils sont pires que nous. Et ils vont jamais nous accepter dans leur beau palais. Qu'on soit respectable ou pas. Rien de pire que de voir qu'une vie s'achète. Ou peut-être le regard de ceux qui la vendent. Navrant comme ces gosses libres en décaché. Dès qu'on se hisse vers le panier, on se fait salement bâcher. Arrêtez de cracher sur nos gueules, misérables que nous sommes. Assommés par vos lois, matraqués par vos flics. On rit jaune, vos jets d'urine acide. Je resterai pas dessous jusqu'à me dissoudre. Des terres comme Massoud, je m'assouplirai quand le cours de la vie humaine dépassera les autres à la bourse. Que Bourreau et Geôlier mijoteront dans la même soupe que celui qui les a armés. Portés à ébullition, puis ajoutés les phalanges de la main qui manigance. Bienvenue au bal des bas d'intention où tout est passé sous silence. Nous on faisait du break dans des flaques de hanse. Enfance raccourcie par le canon ou la conscience d'un vendeur de poison. Passeur, entasseur de corps sans oxygène dans le fond d'un camion. Tout ça pour le pognon. J'attends enfin le règne des crèves, la fin. Mais les gentils, ils gagnent pas la fin. Ça c'est une putain d'arnaque. Rappelle-toi Pinochet sur le tarmac. Sur le tarmac. Qu'est-ce tu vends? Rien que tu vends. Putain mais qu'est-ce tu vends? Rien que tu vends. Regarde vers l'horizon sur le bord de la jetée. Le courage, tu peux pas l'acheter. Avec un peu de pouvoir, n'importe quel tocard se prend pour Homelander. Les pires lobbyistes ont dû se passer le cœur au blender. Nique la servitude, j'ai la descente à Bender. J'ai le rap qui dérange toutes vos certitudes comme un transgender. Y'a pas de blanc ou noir, l'être humain est une race de traîtres. Ça fait des gars du matin au soir, mais ça aboie dès que ça touche au maître. Trop de people instables fragilise mon équilibre à mon âge. Heureusement que le mec est libre. Encore une nouvelle page dans mon livre. À chaque instant j'écoute mon instinct. Aussi vrai qu'on s'en fout de ta corée de mort. Ça perce fort avec des boobs sur Insta. Chacun ses arguments. J'amène mon armement à tes côtes, c'est mange mort. On est des garnements. Les frères ma pogo, jamais mon armement. J'attends enfin le règne des crèves, la fin. Mais les gentils, ils gagnent pas la fin. Ça c'est une putain d'arnaque. Rappelle-toi Pinochet sur le tarmac. Sur le tarmac. Qu'est-ce tu vends? Rien que tu vends, putain mais qu'est-ce tu vends? Rien que tu vends, regarde vers l'horizon sur le bord de la jetée. Le courage, tu peux pas l'acheter. L'être humain est une race de traîtres. Mais ça aboie dès que ça touche au maître. L'être humain est une race de traîtres. Mais ça aboie dès que ça touche.